Yesterday, I talked about feeling, vedana. There are three kinds of feelings: pleasant feeling, unpleasant feeling, and neutral feeling. Hier, je vous ai parlé des sensations, vedana. Il y a trois sortes de sensations. Les sensations agréables, les sensations désagréables et les sensations neutres. Mais au cours de la pratique de la méditation, ce ne sont pas les sensations agréables qui vont se manifester en premier lieu. Le méditant va d'abord expérimenter les sensations désagréables. Il n'est impossible d'y échapper. Dès qu'il s'assied pour méditer, il va ressentir des sensations désagréables. Face à cette situation, il devra tout d'abord se montrer patient. Et ensuite, il devra noter attentivement toutes ces sensations désagréables. Il faut essayer de ne pas changer de posture. Sans quoi, on ne réussirait pas à rester assis immobile pendant toute l'heure, et à la séance suivante, ce sera encore plus difficile. Il faut donc essayer de ne pas changer de posture. Si vous réussissez à être patient, à noter attentivement, vous surmonterez la sensation désagréable et vous comprendrez les sensations qui apparaissent dans le corps. Nous allons donc expérimenter des douleurs, de la dureté, de la raideur, des engourdissements dans le corps. Nous notons tout cela comme étant des sensations douloureuses physiques. Mais il y a aussi des sensations mentales. Lorsque nous pratiquons la méditation, nous essayons de comprendre l'esprit. Pour y arriver, nous allons fixer notre attention sur l'abdomen. Mais malgré nos efforts, malgré que nous notions très attentivement, en suivant les instructions, l'esprit ne reste pas fixé sur l'objet. Il s'envole très facilement. Il se met à penser, à imaginer, à faire des projets d'avenir, etc. Tout cela, ce sont des états d'esprit. L'esprit va volontiers chez lui. Quel est le monde de l'esprit? Le monde de l'esprit, ce sont les plaisirs sensuels. Le monde d'expériences sensorielles. Nous sommes des putujana, des êtres non illuminés, et notre esprit se complaît donc dans les plaisirs sensoriels, comme les visions, les sons, les odeurs, les goûts, les touchés et les pensées. Tout cela, c'est la maison du putujana, la maison de l'esprit du putujana. Nous essayons donc de maintenir notre esprit fixé sur l'abdomen lorsque nous méditons, dans le but de comprendre paramatta satcha, la vraie nature des phénomènes, autrement dit les trois caractéristiques. Mais malgré nos efforts, l'esprit ne reste pas fixé sur l'objet. Il retourne constamment au monde d'expériences sensorielles. En réalité, il n'est pas facile de maintenir l'esprit fixé sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il n'est pas facile de noter ces mouvements du début à la fin, pendant quelque temps. Nous pouvons le constater par nous-mêmes. Le Bouddha a parlé de atapa, l'effort vigoureux. Il sera nécessaire de fournir un vigoureux effort. Il faudra être très attentif au moment où nous notons le mouvement de soulèvement, quand l'abdomen se soulève. Il faudra être très attentif lorsque nous noterons abaissement, au moment où l'abdomen s'abaisse. Mais il est très difficile de suivre attentivement ces mouvements. L'esprit s'envole constamment. Vous réussissez à noter pendant quelques respirations, et après, l'esprit s'est envolé. Il imagine, il fait des projets d'avenir, il pense à toutes sortes de choses. Et à quoi pensez-vous? Vous pensez à ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez entendre, ce que vous aimeriez goûter, sentir, toucher. Qu'est-ce que vous imaginez? Vous imaginez toutes sortes de choses à propos de visions, de sons, de goûts, d'odeurs, etc. Tout cela, ce sont des états d'esprit. Si vous réussissez à noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et les autres objets qui se manifestent, la joie va se manifester en vous. La confiance, vous serez heureux parce que vous avez réussi. Vous voulez réussir à noter correctement et vous vous efforcez de suivre les instructions dans le but de réaliser la véritable nature des phénomènes. Si vous ne réussissez pas à noter correctement, c'est le découragement qui va apparaître. Mais si au contraire vous réussissez à noter correctement, c'est la satisfaction, la joie, la confiance qui vont apparaître dans l'esprit. Cette confiance s'enracine dans votre expérience. À cause de cette confiance, vous allez vous sentir en accord avec l'enseignement du Bouddha. La confiance en le Bouddha va se manifester tout simplement parce que vous avez réussi à expérimenter ce qu'il a annoncé. Vous avez compris. Si vous réussissez à noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, c'est donc la confiance, la joie, la satisfaction qui vont apparaître. Mais si vous ne réussissez pas à noter ces mouvements, ce sont au contraire le découragement, des pensées en tout genre et des imaginations qui vont apparaître en vous. Le Bouddha a parlé de deux sortes de sukha, de bonheur. Samissa sukha et niramissa sukha. Samissa sukha, c'est la joie qui s'enracine dans les plaisirs sensuels. Niramissa sukha, c'est la joie qui ne s'enracine pas dans les plaisirs sensuels. Lorsque nous pratiquons la méditation de façon diligente et attentive, nous serons parfois pris par le premier type de joie, parfois par le deuxième type de joie. Comment expérimentons la joie qui s'enracine dans les plaisirs sensuels? Lorsque nous ne réussissons pas à noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, toutes sortes de pensées, d'imaginations, de projets d'avenir vont apparaître dans l'esprit. Et avec ces pensées, inconsciemment, différents objets attirants. Et vous vous y complaisez. Parfois, l'esprit sera envahi par de belles images. Et le méditant se sent heureux, il s'y complaît. Parfois, il va penser à sa famille, à ses amis, et il se sent heureux. Parfois, il va penser à ses possessions, comme par exemple sa voiture, sa maison, et de nouveau, il se sent heureux. Il peut même parfois penser à ses connaissances, et ceci va également le rendre heureux. Tout ceci, c'est donc ce premier type de joie, la joie qui s'enracine dans les plaisirs sensuels. Lorsque ce type de joie ou ces pensées se manifestent dans l'esprit au cours de la méditation, il faut noter penser, penser, imaginer, imaginer, et ces choses vont alors disparaître. Niramissa sukha, le bonheur qui ne s'enracine pas dans le plaisir sensuel. L'esprit ne recherche pas le plaisir de voir, d'entendre, de sentir, de goûter, etc. Il est calme et il est capable de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen de façon précise et de s'y maintenir. Le yogi est capable de voir la dilatation de l'abdomen, la contraction. Il voit que le mouvement de soulèvement et d'abaissement se produit par étapes successives. Il est capable de noter attentivement le pas gauche, le pas droit. Il voit le mouvement qui se produit également de façon en par étapes successives, et tout ceci va faire surgir la confiance en lui. Au moment précis où il note ces différents objets, il n'y a dans son esprit aucun désir, aucune colère. Il voit le mouvement qui se développe progressivement. Il comprend. Il n'est pas ignorant. Ceci, c'est Niramisa Sukha, le bonheur qui ne s'enracine pas dans le plaisir des sens. Lorsque vous notez attentivement, vous êtes en mesure de voir le changement. Vous êtes en mesure de voir les visions, les sons, au moment où ils apparaissent dans l'esprit. Vous êtes capable de noter tout ce qui se manifeste aussi porte sensorielle. Et vous voyez que tout cela apparaît et disparaît constamment. Lorsque vous notez la douleur, vous voyez également que cette douleur apparaît à un endroit, disparaît à un autre endroit, qu'il y a constamment du changement. Lorsque vous observez très attentivement, vous comprenez par expérience que le corps n'est pas quelque chose de désirable, qu'il est anicca, impermanent, qu'il est dukkha, insatisfaisant, souffrance, et qu'il est anatta, insubstantiel. Anicca, dukkha et anatta sont des choses très difficiles à réaliser. Elles sont également très difficiles à accepter. Pour les accepter, il faut réussir à voir très clairement pendant la méditation. Du temps du Bouddha, il y avait deux femmes très jolies qui ne voulaient pas entendre l'enseignement du Bouddha parce qu'il y était toujours question de anicca, dukkha et anatta. C'est vrai que voir anicca, dukkha et anatta et les accepter est quelque chose de très difficile. Lorsque vous méditez et que vous notez attentivement, vous voyez que tout apparaît et disparaît constamment. Vous réalisez le changement. Vous voyez ainsi anicca, dukkha et anatta. Ayant vu anicca, dukkha et anatta, vous comprenez la réalité et vous voudrez dès lors vous libérer du samsara. Tant qu'on ne s'est pas libéré du samsara, on sera appelé à reprendre naissance, à vieillir, à tomber malade et à mourir. Il y a également Samisa Dukkha et Niramisa Dukkha. Samisa Dukkha, c'est la sensation désagréable associée au plaisir sensuel. Niramisa Dukkha, c'est la sensation désagréable qui n'est pas associée au plaisir sensuel. Ces deux types de dukkha peuvent se rencontrer au cours de la méditation. Lorsque vous ne réussissez pas à noter attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, l'esprit va se mettre à penser. Comme je l'ai expliqué précédemment, il va penser à la famille, aux amis, aux possessions, au travail, etc. Et toutes ces pensées vont faire surgir éventuellement l'inquiétude ou la tristesse. Vous vous demandez par exemple si vous allez perdre votre travail, que s'est-il passé avec votre famille, avec vos enfants. Ces états d'esprit se manifestent en vous, il faut noter inquiétude, inquiétude, tristesse, tristesse. Ce sont des sensations émotionnelles. À l'entretien, plusieurs d'entre vous ont expliqué qu'ils avaient ressenti des sensations émotionnelles au cours de la pratique. J'ai dû leur demander de préciser de quelles sensations émotionnelles s'agissait-il. Parfois, il s'agissait d'inquiétude. Je leur ai expliqué qu'ils devaient noter inquiétude, inquiétude. Lorsqu'il s'agissait de tristesse, ils devaient noter tristesse, tristesse. Tous ces états d'esprit sont donc Samisa Dukkha, la sensation désagréable associée au plaisir sensuel. Niramisa Dukkha, c'est donc la sensation désagréable qui n'est pas associée au plaisir sensuel. Lorsque vous pratiquez, vous essayez de noter attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, mais votre esprit ne reste pas fixé sur l'objet, il s'envole constamment, et vous êtes déçu. Au moment où vous pratiquez la marche, vous essayez de maintenir votre esprit fixé sur les phases du pas, il refuse et ne reste pas fixé sur l'objet. Il pense beaucoup, et la déception apparaît dans votre esprit. Ceci, c'est Niramisa Dukkha. Vous aimeriez réussir à noter correctement. Vous aimeriez que votre esprit reste fixé sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, sur tous les mouvements que vous êtes amené à faire tout au long de la journée. Mais ce n'est pas le cas. Il ne reste pas fixé sur les objets. Cette déception, cette colère éventuellement, c'est Niramisa Dukkha, la sensation désagréable qui n'est pas associée au plaisir sensuel et qui est à mettre en parallèle avec Niramisa Sukha dont je viens de parler. N'oubliez donc pas de noter la déception, la colère, si vous n'êtes pas capable de méditer correctement. Souvenez-vous de la maxime, tout ce qui se manifeste dans l'esprit ou dans le corps doit être noté. Si vous êtes fâché et que cette colère est devenue prédominante, il faut donc que vous la notiez. Au moment où vous notez attentivement la colère, il est possible que vous la voyez augmenter d'intensité ou au contraire diminuer d'intensité. Mais ne vous pressez pas. Notez attentivement et souvenez-vous que tout ce qui se manifeste dans l'esprit ou dans le corps doit être noté. Vous pourriez également vous demander sur qui vous êtes fâché, pourquoi vous êtes fâché. À la séance suivante, si vous ne réussissez toujours pas à noter correctement les mouvements de l'abdomen, vous allez également faire surgir la colère, mais cette colère sera moins forte. Si vous ne réussissez pas à noter la colère, elle restera forte, mais si vous réussissez à la noter, elle va diminuer d'intensité. Vous verrez la colère qui diminue d'intensité si vous réussissez à la noter. La colère, la tristesse sont des états d'esprit. Le Bouddha explique qu'il y a deux choses, l'esprit, citta, et les états d'esprit, cittasika. L'esprit qui note, c'est citta, la tristesse, la colère, c'est cittasika. Il y a enfin les sensations neutres, upekkha vedana, les sensations qui ne sont ni agréables ni désagréables. Ces sensations neutres peuvent également être associées au plaisir sensuel ou ne pas être associées au plaisir sensuel. Dans la vie de tous les jours, si on a des amis, une famille, et qu'il leur arrive quelque chose, on va se sentir inquiet. Mais si les gens à qui il est arrivé quelque chose ne fait pas partie de notre famille, ni de notre cercle d'amis, si nous ne connaissons pas ces gens, l'inquiétude ne va pas se manifester. Nous sommes indifférents. Cette indifférence, c'est la sensation neutre qui s'enracine dans les plaisirs sensuels. Lorsque cette indifférence se manifeste dans l'esprit, il faut la noter. Imaginons maintenant qu'un méditant réussisse à noter très facilement tout ce qui se manifeste dans son corps et dans son esprit. Après quelque temps de pratique, son attention s'est développée, elle est devenue très forte, et il est capable de noter non seulement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, mais également des phénomènes beaucoup plus subtils. Son attention se renforce de plus en plus et il devient capable de noter des choses comme par exemple le mouvement. Pendant la marche, il est capable de suivre très attentivement tout ce qui se passe. Tout ceci va faire surgir l'excitation parce que c'est nouveau pour lui. Il est également possible que ce méditant à ce stade expérimente des lumières, un très grand calme, une joie, très forte, et il ressent tout cela comme formidable. À l'entretien, il ne réussit pas à trouver les mots pour exprimer ce qu'il a expérimenté. Son corps et son esprit sont extrêmement calmes, dit-il. Il peut tout noter très facilement. Après quelque temps, tout ceci va devenir habituel pour lui, et il n'y aura plus d'excitation. Il pourra alors tout noter sans réagir, sans être excité. Ceci, c'est le deuxième type de sensation neutre, celui qui ne s'enracine pas dans les plaisirs sensuels. That's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. Through your practice, may you understand the Dhamma clearly, then attain Nibbana. Sound. Sound.